50 languages. 69. 69. 69. يحتاج يريد. Avoir besoin, vouloir. Avoir besoin, vouloir. أحتاج إلى سرير. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. أريد أن أنام. Je veux dormir. Je veux dormir. هل هناك سرير؟ Y a-t-il un lit ici? Y a-t-il un lit ici? أحتاج إلى مصباح. J'ai besoin d'une lampe. J'ai besoin d'une lampe. أريد أن أقرأ. Je veux lire. Je veux lire. هل هناك مصباح؟ Y a-t-il une lampe ici? Y a-t-il une lampe ici? أحتاج إلى هاتف. J'ai besoin d'un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone. أريد أن أتصل هاتفياً. Je veux téléphoner. Je veux téléphoner. هل هناك هاتف؟ Y a-t-il un téléphone ici? Y a-t-il un téléphone ici? أحتاج إلى آلة تصوير. J'ai besoin d'une caméra. J'ai besoin d'une caméra. أريد أن أصور. Je veux prendre des photos. Je veux prendre des photos. هل هناك آلة تصوير؟ Y a-t-il une caméra ici? Y a-t-il une caméra ici? أحتاج إلى حاسوب. J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai besoin d'un ordinateur. أريد أن أرسل رسالة إلكترونية. Je veux envoyer un email. Je veux envoyer un email. هل هناك حاسوب؟ Y a-t-il un ordinateur ici? Y a-t-il un ordinateur ici? أحتاج إلى قلم حبر ناشف. J'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'un stylo. أريد أن أكتب شيئا. Je veux écrire quelque chose. Je veux écrire quelque chose. هل هناك ورقة وقلم حبر ناشف؟ Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici? Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici?